Lettre 24e. Expédition au Luxembourg. L'admission des femmes. Les portraits de Henri. Le costume républicain. Le quai Voltaire. Inscription sur les murs. Anecdote du maréchal Lobau. Accusation. Depuis le moment où les procédures ont commencé au Luxembourg, nous avions formé le projet d'y faire une excursion afin de jeter un coup d'œil sur le camp étalé dans le jardin. On dit, à la vérité, que dans une des tribunes réservées pour le public, on a vu une petite main blanche caresser les cheveux noirs qui ornaient la tête d'un jeune garçon, et l'on ajoute que ce jeune garçon s'appelait George Sand. Mais je crois que c'est là le seul exemple où la limite de la salle d'audience ait été franchie par qui que ce soit, dépourvu de l'important symbole de la puissance de la barbe au menton. En attendant, le modeste projet que nous avions formé de regarder au moins les murs qui renferment ces bruyants séditieux et leurs patients juges a été à la fin heureusement exécuté et nous a procuré beaucoup d'amusement. Notre société accoutumée se trouvait cette fois augmentée de deux aimables Français qui avaient promis de nous expliquer tous les signes ou symboles qui pourraient frapper nos regards et que nous aurions quelque peine à comprendre. Le temps était délicieux. Nous résolûmes de nous rendre à pied au lieu de notre destination et de nous reposer à notre retour en nous faisant cahoter dans un doux fiacre. Les Tuileries se trouvant dans notre route, cette considération acheva de nous décider et, comme de coutume, nous passâmes une demi-heure délicieuse assis sous les arbres de ce jardin. Toutes les fois que 6 ou 8 personnes veulent s'entretenir ensemble, non pas 2 à 2 mais en conversation générale, je leur conseille de choisir précisément le lieu que nous occupâmes, nos chaises aussi rapprochées que possible, de façon que chacun de nous pouvait entendre et être entendu. Notre conversation roula sur les diverses estampes que nous avions vues en passant, exposées en vente sur les boulevards, et quoique nos deux Français fussent très bons amis, il était évident qu'ils n'avaient pas la même opinion politique, de sorte que nous eûmes le plaisir d'entendre quelques petites disputes fort divertissantes. Nous avions constamment remarqué une foule de portraits représentant un jeune homme d'une figure aimable et d'une tournure élégante. Quelquefois, ces estampes ne portaient point de lettres. Et cependant, ce n'étaient pas des épreuves. D'autres fois, on y lisait le seul mot Henri et une touffe de cette jolie fleur que nous appelons « Ne m'oubliez pas ». D'autres fois encore, le nom de duc de Bordeaux. Comme nous passions ce matin devant une grande boutique sur le boulevard, je remarquai une estampe nouvelle. C'était une jolie lithographie ressemblant à une miniature originale qui m'avait été montrée dans une de mes visites au Faubourg Saint-Germain. Je m'arrêtai pour l'acheter, et ayant écrit mon nom sur l'enveloppe, je dis au marchand de la faire porter chez moi. Monsieur P., qui se trouvait à côté de moi quand je m'arrêtai, me confirma dans l'opinion que ce portrait était en effet fort ressemblant, car il connaissait l'original, et quoiqu'il parle un peu sur ce sujet, il était aisé de voir qu'il ressentait au fond du cœur un grand attachement et pour la cause et pour son jeune héros. Monsieur de L., qui marchait derrière nous, s'approcha au moment où je faisais mon emplette et dit en souriant « Je vois tout ce que vous faites, et si vous et Monsieur P. continuez à causer ensemble, je suis sûr que vous aurez tramé quelques grands complots avant d'arriver au Luxembourg. » Quand nous fûmes assis dans le jardin des Tuileries, Monsieur de L. renouvela son attaque et me reprocha ma conduite séditieuse en encourageant le marchand qui vendait une gravure prohibée. Il ajouta qu'il croirait remplir un devoir en nous envoyant, M. P. et moi, coucher au Luxembourg avec les autres conspirateurs. « Le complot dont je me suis rendu coupable, répondit M. P., n'est que spéculatif. Tout ce que nous pouvons faire à présent est que de regretter que les choses n'aillent pas précisément comme elles devraient aller, et de remercier le ciel de ce qu'elles ne vont pas tout à fait aussi mal qu'elles pourraient aller. « Je suis bien aise que vous admettiez au moins cela, mon cher, » répondit son ami. « Oui, je pense qu'en effet, les choses iraient plus mal, si des chenapans comme ceux qui sont là-bas devenaient les maîtres. » En parlant ainsi, il jetait les yeux sur 3 jeunes gens qui avançaient dans l'allée où nous étions et qui paraissaient fort occupés d'une affaire très importante. On eût dit des caricatures vivantes. C'étaient des républicains. On voit continuellement des figures de ce genre marchant fièrement sur les boulevards ou se promenant dans les allées des Tuileries ou errant en groupe sinistre dans le bois de Boulogne, chacun d'eux se croyant tout au moins le front d'un Brutus et le cœur d'un Caton. Mais dans quelque lieu et dans quelque moment que vous les rencontriez, il est impossible de jamais les méconnaître. Il n'y a pas d'enfant de 10 ans à Paris qui, dès qu'il les voit, ne puisse vous dire « voilà des républicains ». J'ai vu chez plusieurs marchands d'estampes une clé de leur toilette mystique, au moyen de laquelle les profanes peuvent facilement deviner leur énigme. Le point le plus important est un chapeau dont la forme, s'il était un peu plus haute, offrirait un cône parfait, et l'ombre de Cromwell se réjouit sans doute en voyant tant de têtes à l'envers imiter encore aujourd'hui sa coiffure. Puis viennent les longues tresses nattées qui retombent autour du cou dans leur effrayante malpropreté. Ce cou lui-même est dépourvu de cravate que remplace une terrible profusion de poils. De même que le chapeau, le gilet porte un nom immortel, celui de Robespierre, et la grandeur des principes de l'individu qui le porte se mesure d'après le plus ou moins détendu de ses vastes revers. Pour le reste, un air de maligne et sauvage scélératesse achève l'extérieur d'un républicain de Paris en l'an de grâce 1835. Comment pourrais-je vous décrire les grimaces par lesquelles j'ai vu défigurer les traits des personnes qui portaient ce costume de mascarade? Les uns roulent la prunelle et froncent le sourcil, comme s'ils voulaient faire peur au monde entier. D'autres tiennent les yeux attachés sur la terre en une sombre et funeste méditation, tandis que d'autres encore, appuyés en silence contre une statue ou un arbre, donnent à leur regard une signification si effrayante qu'ils semblent dire avec les sorcières de Macbeth « Il le faut, nous voulons, il le faut, nous voulons avoir encore du sang, devenir plus terrible, etc. » Les 3 jeunes gens qui venaient de passer devant nous étaient précisément de cette espèce. Notre ami le légitimiste les regarda aller et se mit à rire de grand cœur. « C'est à nous autres, mon cher, dit Monsieur de L, de nous amuser de ce spectacle. Vous et les vôtres n'auriez guère de quoi rire si nous ne nous occupions pas à empêcher ces hommes de vous faire du mal. Vous pouvez rendre grâce aux 60 000 gardes nationaux de Paris, si vous êtes encore en état de vous moquer avec une si douce sensation de sécurité de ces féroces personnages. » « Oh, pour cela, répondit Monsieur P, je les en remercie sincèrement. Seulement je pense que l'affaire eût été tout aussi bien faite si ceux qui s'en sont mêlés en avaient eu le droit. Bah, n'avez-vous pas essayé, n'avez-vous pas reconnu que vous ne pouviez vous en tirer ? Il me semble, mon ami, reprit le légitimiste, que nous nous en tirions assez bien, et que nous savions tenir en respect les esprits inquiets quand vous êtes arrivés et avez promis un jour de congé à tous les gamins de Paris s'ils voulaient vous donner le pouvoir. Ils l'ont fait, ils ont eu un jour de congé, et maintenant ? Et maintenant, dis-je à mon tour, qu'est-ce qui va arriver ? Ces 2 messieurs me répondirent à la fois. « Des émeutes, » dit le légitimiste. « L'ordre, » dit le doctrinaire. Nous continuâmes notre promenade, et ayant traversé le pont Royal, nous suivîmes le quai Voltaire pour éviter la rue du Bac, qui, malgré les éloges de Madame de Staël, vaut beaucoup mieux de loin que de près. Si ce n'était l'antipathie innée des Anglais pour s'arrêter devant les boutiques, on pourrait s'amuser pendant une matinée entière sur le quai Voltaire. D'abord, la série de portraits de personnages célèbres à 5 sous pièce, dans le nombre desquels il y a des têtes dignes d'être étudiées, même dans ces grossières lithographies. Puis, les bouquinistes étalant des livres vieux et neufs, beaux, rares ou sans valeur. Puis, les marchands d'estampes de prix également variés. Puis, les articles d'occasion de toute espèce. Puis, surtout, les magnifiques collections, vrais musées d'anciens meubles sculptés et dorés, de chaises monstrueuses, d'étonnants candélabres, de grotesques pendules et d'ornements sans nom. C'est ici que l'opulent amateur de la massive splendeur du siècle de Louis XV arrive la bourse bien garnie et la remporte vide. On dit que la famille royale actuelle de France a le goût de ce style noble mais lourd et que les voitures de la cour s'arrêtent souvent devant ces magasins auxquels on pourrait donner tous les noms qu'on voudrait, excepté celui de magasin de nouveautés, et qui ressemble, au premier aspect, à la boutique d'un prêteur sur gage. Durant cette promenade sur le quai Voltaire, je vis pour la première fois une suite de portraits d'hommes de mauvaise mine. Leur nom était écrit au bas avec le titre courant de « Prévenu d'avril ». Si les ressemblances sont fidèles, Il faut convenir que les originaux sont fort à plaindre, car ils semblent avoir été prédestinés par la nature au mal qu'ils ont fait. Chacun d'eux paraît digne d'être un rebelle, car toutes les scélératesses de la nature se montrent en foule sur sa physionomie. Ne dirait-on pas que les matériaux nécessaires pour produire une révolte étaient les mêmes du temps de Shakespeare qu'ils le sont aujourd'hui? Si ce sont là des portraits, les originaux ne pourront se plaindre d'aucune caricature, car il serait impossible de rien ajouter en eux aux scélératesses de la nature. Dans la conversation qu'amena l'examen des portraits des prévenus d'avril, mes deux Français se montrèrent, en apparence, parfaitement d'accord. Le légitimiste avouant qu'un roi, quel qu'il fût, valait mieux que pas de roi du tout, et le doctrinaire déclarant qu'il eût préféré que la France n'eût pas eu sa glorieuse et immortelle révolution, plutôt que de l'avoir exposée à celle que messieurs les prévenus voudraient lui faire subir. Étant arrivés aux limites du pays latin, nous prîmes plaisir à faire nos réflexions sur le penchant que manifestent de très jeunes gens, encore soumis à la loi paternelle, pour la destruction de toute espèce d'autorité ou de discipline. Aussi les murs de ce quartier sont couverts d'inscriptions tracées dans cet esprit. C'est « À bas Philippe !»« Les pères sont des assassins !»« Vive la République !» et autres de ce genre. Des poires de toute grandeur et de toutes les formes, avec des traits pour marquer la place des yeux, du nez et de la bouche, frappent de tous côtés les regards et sont l'emblème du mépris des jeunes étudiants pour le monarque régnant. Ces mêmes jeunes gens, si amateurs du désordre, ont donné il y a quelques jours une preuve plus frappante encore de leur haine pour l'autorité, en s'assemblant au nombre de 400 à 500 pour suivre avec des cris et des sifflets M. Royer Collard, professeur de médecine nouvellement nommé, depuis l'école jusqu'à sa maison dans la rue de Provence. Dans les occasions de ce genre, le gouvernement français, comme tout autre, ferait fort bien de suivre l'exemple donné par une admirable manœuvre du maréchal Lobo, commandant en chef de la garde nationale. Cette anecdote est, je crois, généralement connue, mais dans l'espoir que vous ne l'aurez peut-être pas entendu raconter, je vais me donner le plaisir de répéter une histoire qui, je l'avoue, est du nombre de celles qui m'amusent infiniment. Et il vaut mieux que je coure le risque de vous dire une chose que vous savez déjà, plutôt que de vous la laisser ignorer tout à fait. Une bande de jeunes gens de Paris, qui essayaient de faire une petite émeute républicaine, s'était rassemblée dans la place Vendôme. On battit le rappel, le commandant arriva. Les jeunes mécontents serrèrent les rangs, tirèrent leurs couteaux de poche et leurs badines, et s'apprêtèrent à faire bonne défense. Le général donna tout bas ses ordres à un aide-de-camp, qui s'éloigna et revint quelques instants après de la rue de la Paix avec un objet qui ressemblait terriblement à un canon. Était-ce réellement un canon, je ne sais, mais il était entouré d'un détachement de militaires en casque qui le fit retourner avec une adresse merveilleuse et s'avancèrent vers l'endroit où le rassemblement était le plus nombreux. Le commandement fut donné et au bout de 2 minutes, toute l'armée ennemie fut trempée des pieds jusqu'à la tête. Des personnes qui ont été témoins de cette mémorable déroute, dans laquelle les pompiers suivaient, leurs tuyaux de cuir à la main, les héros qui décampaient, assurent que jamais manœuvre militaire ne produisit une évacuation de troupes aussi rapide. Je trouve dans l'ensemble de cette conduite de la garde nationale quelque chose qui indique d'une manière frappante l'esprit tranquille et dédaigneux avec lequel ces puissants gardiens du gouvernement existant contemplent leurs ennemis républicains. Étant arrivés au Luxembourg et ayant pénétré dans le jardin, nous nous assîmes afin de pouvoir, à notre aise, contempler une scène qui non seulement était tout à fait neuve pour nous, mais encore fort singulière pour tous ceux qui connaissaient l'aspect habituel du lieu. Au milieu des lilas et des roses, un petit camp de tentes blanches offrait une apparence militaire. Des faisceaux d'armes, des tambours et tout ce qui annonce la guerre apparaissaient parmi ces tentes, tandis que des soldats épars, fumant, buvant ou dormant, achevaient de donner à la scène un aspect extraordinaire. Je crois que dans toute la France, nous n'aurions pu trouver un endroit où les deux Français qui nous accompagnaient auraient eu tant d'occasion d'être du même avis. La conversation fut, d'après cela, non seulement très amicale, mais courut même le risque de devenir ennuyeuse par l'effet d'une trop grande uniformité d'opinion. Car les événements qui avaient amené le procès des prévenus d'avril furent condamnés par nous d'une voix unanime. M. de L. nous fit part de quelques anecdotes concernant un ou deux des individus les plus connus parmi les accusés. Et quand nous lui demandâmes des détails sur les autres, il s'écria avec indignation dans les vers de Corneille « Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé. Un tas d'hommes perdus de dettes et de crimes, que pressent de nos lois les ordres légitimes, et qui, désespérant de les plus éviter, si tout n'est renversé, ne saurait subsister. » « Bene trovato !» s'écria P. « Vous n'auriez pas pu mieux les décrire, mais... » Ce « mais » aurait probablement amené une discussion qui aurait troublé la belle harmonie qui régnait parmi nous, si un peu de bruit dans les arbres, à peu de distance, n'avait mis fin à notre séance. Il paraît que, depuis le commencement du procès, la principale consigne des gendarmes « Je demande pardon, j'aurais dû dire de la garde municipale » est d'empêcher toute formation de groupe pour se livrer à la conversation dans les cours et jardins du Luxembourg. Toutes les fois que deux ou trois personnes paraissent vouloir rester ensemble à la même place, un agent de police s'approche d'elles et leur dit d'un ton d'autorité « Circulez, messieurs, circulez, s'il vous plaît ». Le motif de cette précaution est que tous les soirs, à la porte Saint-Martin, une centaine de jeunes gens s'assemblent et font un bruit fort ridicule et qui ne signifie rien, mais dont ils espèrent que le retentissement, passant de rue en rue, finira par obtenir, dans la voie publique, le nom d'émeute. Nous sommes maintenant si accoutumés à ces innocentes petites émeutes de la porte Saint-Martin que nous ne les craignons pas plus que le maréchal Lobo lui-même. Néanmoins, on a cru nécessaire de prévenir tout ce qui pourrait offrir l'apparence d'un rassemblement dans les environs du Luxembourg, de peur que la renommée aux sans-voix, qui chaque soir change en émeute les cris de quelques ouvriers oisifs, ne fasse courir en France le bruit que le Luxembourg est assiégé par le peuple. Le bruit qui nous avait dérangés était occasionné par un rassemblement d'une douzaine de personnes, au milieu desquelles se trouvait un agent de police. En même temps, nous entendîmes parler d'une arrestation. Cependant, en moins de 5 minutes, il n'y parut plus. Mais nous remarquâmes deux figures si pittoresques dans leur républicanisme que nous reprîmes nos places pendant que l'un d'entre nous les dessinait, et nous nous amusâmes à deviner quelles pouvaient être les paroles qu'ils s'adressaient tout bas avec tant de mystère. « Voici, sans aucun doute, leur conversation, » nous dit M. de L. « Ce soir, à la porte Saint-Martin, j'y serai. »